On va parler avec notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, ce soir, les Huskies de Rouyn-Noranda ont rendez-vous avec l'histoire alors qu'ils vont tenter de battre les Éperviers de Sorel en remportant un 26e match consécutif, le match aura lieu à Drummondville. Phil, tu as bien connu les Éperviers de Sorel dans le temps des Éperviers. Si on comparait les deux équipes, c'est sûr, c'est très laborieux comparer les deux équipes. C'est deux époques complètement différentes. Mais C'est totalement différent parce que, d'abord, les Éperviers de Sorel de 73-74, il y a beaucoup de gens de la région qui étaient là, hein, qui jouaient. Ah, okay. Ah oui, OK. Carlo Torrensen, ouais. Un homme fort qui jouait à défense. Michel Bergeron, qui a joué à Détroit dans la Ligue nationale. Okay. D'ailleurs, cette année-là, Michel a marqué 62 buts. Okay. Donc, quand même intéressant. Paul Dufour, le pro de golf de la région, okay, était l'instructeur. Il avait été congédié en pleine finale contre les Remparts de Québec. Ouf, pourquoi? Et Rodrigue Lemoine, que tout le monde... Hein? Ah ben, il perdait dans la série, puis Rodrigue avait décidé de faire un changement. Il avait décidé de congédier son coach, puis lui a dirigé le club, mais malgré tout, il n'avait pas penché l'équipe de gagner, de perdre. Donc, ils avaient perdu contre les Remparts de Québec. Mais juste te donner le premier trio. Pierre Larouche, Michel Désiel, Jacques Cossette. Il y en a un qui a marqué 94 buts, l'autre 92 buts, l'autre 97 buts. 251 points, 227, 214 points. OK. Et puis, sais-tu qui jouait pour cette équipe-là? Il y avait Pierre Mondou. Je sais que Pierre Mondou jouait là-dedans. Pierre Mondou jouait là, effectivement, t'as raison. Ouais. Il y avait également, comment est-ce qu'il s'appelle, lui, il a joué pour la... Lucien Deblois jouait pour cette équipe-là. OK, ouais. Donc, c'est une formation quand même... Qui a marqué quand même l'histoire de la Ligue nationale. Tu sais, ces gars-là ont joué dans la Ligue nationale, ils ont marqué l'histoire, ouais. Ils ont connu beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a autant de joueurs qui évoluent avec Rouyn-Noranda au moment où on se parle? Mais c'est deux époques, là. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui marque 100 points dans les juniors majeures du Québec, c'est un événement. Dans ce moment-là, les autres, il y avait trois joueurs qui avaient marqué 200 points et plus, là. Okay. Donc, les équipes n'étaient pas les mêmes. Le gardien de but de la numéro 1 de la Ligue avait presque 4 points de moyenne par partie. Alors qu'aujourd'hui, il est à 2,70, 2,75, 3 maximum. Là. Ouais, mais est-ce que c'était une équipe aussi dominante? On peut jouer. Ah, il était dominant, puis il y avait. Mais l'esquise aujourd'hui, là, je te parle. Là. Mais écoute, il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait 8 clubs dans les juniors majeurs, ouais, du Québec. Okay. Aujourd'hui, on a 16 clubs avec les Maritimes. Donc, c'est totalement changé. Deux, à ce moment-là, les joueurs étaient beaucoup plus âgés. Beaucoup de gars de 19 ans, beaucoup de gars de 18 ans. Il n'y a pas de gars de 16 ans dans les équipes, ou très peu. Alors qu'aujourd'hui, écoute, les Saguenayens ont 7 de 8 ou 9 joueurs de 17 ans. Donc, c'est pour ça que faire des comparaisons entre les deux, c'est totalement... c'est difficile. Mais faut admettre que dans le cas de Rouyn-Noranda, ils jouent dans une section où la compétition n'est pas très féroce. Là. Okay. Faut admettre qu'à part Drummondville, dans cette section-là, il n'y a pas grand club pour rivaliser. Alors que dans l'autre section, c'est beaucoup plus compétitif. C'est toujours difficile, mais ça demeure que l'équipe de 73-74, malgré tous les résultats, malgré tous les records, est perdue en finale contre les Remparts de Québec. Ouais. Donc, c'est vraiment quand même intéressant. Raymond Bourque avait été changé cette année-là. Il était parti de... je pense que c'était de Sorel pour aller à Trois-Rivières ou l'inverse. Là. Ben, c'est donc, que Michel Bergeron l'a toujours regretté. Michel Bergeron s'en est toujours fait reprocher ça. Exact. Mais à l'arbitre à Sorel, je m'en rappelle, moi, c'était la jungle, arbitre-là. Il n'y avait pas de baie vitrée derrière les bancs des joueurs. Les joueurs étaient directement assis. Les spectateurs pouvaient mettre l'équipement à la main sur le chandail des joueurs. Vraiment, c'était une époque assez particulière et assez rock'n'roll dans les juniors majeures du Québec à ce moment-là. Mais donc, on peut quasiment dire, dans le fond, que c'est quasiment mieux l'époque des... Tu peux pas comparer, parce que... C'est aucune comparaison possible, dans le fond. C'est parce que le hockey d'aujourd'hui est totalement différent. Ouais. Dans ce temps-là, là, c'était attaque, puis attaque, puis attaque, puis attaque. Aujourd'hui, système de jeu, tu joues défensif, tu contrer les zones, les joueurs ont des plans de match. À ce moment-là, les instructeurs n'avaient pas les mêmes qualifications qu'ils ont aujourd'hui non plus. Aujourd'hui, ils sont quatre derrière un banc pour diriger l'équipe, ils ont des tablettes, ils montrent aux joueurs sur les reprises, sur les erreurs qu'ils ont faites. On parle d'un autre monde. Tu sais, Rodrigue Lemoine, c'était pas un coach de hockey. Là. Lui a décidé de coacher. Tu sais, Paul Dufour avait des qualifications comme professeur d'éducation physique. Est-ce qu'il avait tous les diplômes que les instructeurs ont aujourd'hui qui font des carrières? C'est vraiment très, très, très, très différent d'aujourd'hui. Mais ça demeure qu'on fera toujours quand même des comparaisons entre les deux. Bien, Phil, je parlais ce matin avec Jean-Paul Charlebois, le descripteur radiophonique des Huskies, qui m'expliquait un peu le concept d'équipe. Écoute, c'est quand même toute une organisation. Là. C'est 22 des 25 joueurs ont été repêchés par les Huskies. Donc, c'est quand... Les années de André Tourigny, qui a monté une organisation, il y a Gilles Bouchard qui après a pris la relève. Pouliot qui a été déjà dans l'organisation, qui a gagné l'an passé à Bathurst, on l'a ramené cette année. On avait besoin de ce genre d'instructeur-là parce que Gilles Bouchard est quitté inattendu pour aller dans la ligne américaine. Donc, mais ça demeure une organisation solide depuis 3 ans, qui est bien bâtie, bien organisée. Ils ont allé combler des lacunes. Ils avaient, tu sais, d'aller chercher 2-3 transactions qui font que cette équipe-là actuellement est très bien nantie. Moi, la seule chose, question que je me pose en série de fin de saison, ben c'est ça. Ils n'ont pas eu beaucoup d'opposition durant l'année parce que la section est quand même faible. Quand on va arriver contre Halifax, quand on va arriver contre la formation de Rimouski, Bécomo, la section est beaucoup plus forte que... Il y a Drummondville qui leur donne une bonne opposition. Puis ce qui est intéressant, c'est que le fameux match, ils jouent contre la meilleure équipe de leur section. Donc, l'opposition va être là. Sauf que, est-ce qu'Olivier Rodrigue va être dans le filet ce soir? Il a été blessé, il a quitté la rencontre lors de la dernière rencontre contre Bécomo. Si Rodrigue est dans le filet, qui est à peu près l'un des meilleurs gardiens de la Ligue avec Harvey de l'autre côté, qui est un petit gars de la région, ça va être super intéressant de voir. Donc, les gens de la région vont surveiller ça de près ce soir parce que, en principe, les deux gardiens sont deux gardiens originaires de la région qui vont s'affronter dans ce duel opposant à deux attaques tout à fait explosives. Intéressant à regarder ce match-là, il n'y a pas de doute. Intéressant, mais pas à TV. Non, c'est pas ça, à spécial, TV. Hey, mais je parlais avec Jean-Paul Charlebois, puis Jean-Paul, puis il n'y a même pas ma question, mais elle se pose pareil. Tu sais, le fameux pic dans le monde du sport, là. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Puis, tu sais, piquer trop de bonheur, piquer... Mais ils sont tellement dominants. Surtout, on ne pas de ralentir la machine pour dire on n'aura pas notre pic, on va l'avoir plus tard, là. Ouais. Moi, la confiance est là. L'ajout à la période des fêtes d'un défenseur, d'un attaquant numéro 1, ça rajoute encore, tu sais, c'est encore plus de profondeur, mais c'est une équipe qui est bâtie par l'organisation avec des choix de repêchage. Et ça, je pense que Rouyn-Noranda a toujours bien fait ce travail de ce côté-là. OK. Phil, question, je pense qu'on ne sera pas d'accord, on n'est jamais d'accord là-dessus. Je suis certain que tu vas être pour ça, mais je te la pose pareil. Carey Price, parce que là, les gens disent, ouais, mais il est trop bonheur pour se poser la question. Non, à partir du moment où tu es gardien de but avec le plus de victoires dans l'histoire du Canadien, la question se pose, à la fin de sa carrière, est-ce que Carey Price mérite d'avoir son chandail retiré chez les Canadiens? Moi, je pense que si Roy et Dryden sont là, avec les défensives que ces gars-là avaient à ce moment-là, et que Price a des statistiques qui se comparent avec ces gens-là, avec pas la même défensive, loin de là, à des milles à la ronde, moi, je pense que oui, il mérite d'être là pour ses performances, pour la façon de gagner. Et moi, je me dis, pas seulement que les partisans du Canadien, je regarde par ses pairs. Ouais. Price est considéré parmi les joueurs de la Ligue nationale, par eux entre eux, comme probablement le meilleur gardien de toute la Ligue nationale. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les joueurs eux-mêmes. La preuve de ça, il est allé aux Olympiques, il est allé avec l'équipe Canada, il est toujours parmi les deux gardiens choisis. À quelque part, j'espère que pas tout ce monde-là sont tous des Joe connaissants comme nous autres, là. Ils doivent savoir de quoi ils parlent. Donc, à ce moment-là, moi, je pense que Price mérite d'être là avec les statistiques qu'il y a actuellement. Puis, il va continuer de garder les filets. Il est encore le Canadien pour les 4-5 prochaines années. C'est sûr qu'il va se rendre à 500 victoires, mais... Les gens disent toujours, as-tu gagné la Coupe Stanley? Non, ça, je ne vais pas avec ça, là. C'est parce que le Canadien, à ce moment-là, tu te rappelles les bonnes années avec les Big Three, la défensive et tout, c'était plus facile. Aujourd'hui, les équipes qui réussissent à gagner 2 Coupes Stanley dans 3-4 années d'affilée, c'est un exploit tout à fait extraordinaire parce que la Ligue nationale est tellement bien structurée, bien nantie au niveau du talent que c'est réparti un peu partout à travers toutes les équipes. Donc, c'est difficile pour une équipe de devenir une dynastie comme il y a à peu près 15 ou 20 ans. Ça n'existe pas aujourd'hui ou presque pas. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ce côté-là, je trouve quand même assez... Je parlais avec Stéphane Lebeau, puis Stéphane disait cette semaine, tant qu'il n'a pas gagné une Coupe Stanley, on ne peut pas le rentrer dans les crédits. Tant qu'à ça, Marcel Dion ne serait pas autant de la renommée. Ouais, sauf que moi, je dis que... Raymond Bourque, il l'a gagné à la fin parce qu'on lui a donné une équipe pactée. On l'a envoyé dans une équipe pour qu'il gagne la Coupe Stanley. Pourtant, ça a été un très grand joueur de hockey, l'un des meilleurs de toute la Ligue nationale. De ce côté-là, je suis d'accord. là, il n'a pas gagné la Coupe Stanley. Arrêtons, là. Il y en a qui ont gagné la Coupe Stanley, puis c'est quoi, ils jouaient au bout du banc, là. Mais non, c'est sûr. Mais moi, par contre, monte une fiche en haut de 500, puis là, tu vas en série éliminatoire, puis c'est là que je vais te commencer à te considérer comme ton chandail retiré. Il peut pas gagner tout seul les parties, là. Hier soir, là, j'ai regardé les Canadiens, ils ont joué de façon impeccable, là. Mm. Le gardien n'arrêtait pas de lancer. Il arrivait quoi, tu penses, oui? Il aurait dû mener 3-0, puis 3-1. C'était l'inverse après une période de jeu. Pourquoi? Parce que le gardien ne faisait pas être arrêté. Quand Price joue, l'équipe ne joue pas de la même manière, puis l'équipe performe mieux. Pourquoi? Parce que lui fait les arrêtés alors que Niemi ne les fait plus. Là. Donc, c'est toute la différence dans une équipe de hockey. Là. Ouais. Phil, Espéry Kotkaniemi, est-ce que les gens exagèrent un peu? Il y a du monde qui ont dit... Ouais, on charrie un peu. Là. Ouais. Okay. En début d'année, personne ne voyait là. Hein? Ouais. Deux, il est rendu à 75 games. Puis moi, je trouvais que dans les dernières rencontres, c'était plus le même joueur. Mm. On sentait que ses petites feintes, n'importe quoi, les joueurs commencent à le connaître, les gens savent comment il est. Il m'impressionne, à 18 ans, avoir connu la saison qu'il a là. Ça, j'y enlève rien, là. Mais on s'en est dans l'Ouest où c'est extrêmement difficile, où c'est extrêmement physique, le jeu de hockey dans l'Ouest. C'est pas comme dans l'Est où c'est la rapidité qui prédomine. Donc, moi, je pense qu'on lui donnait une, deux, trois games de repos. J'ai pas de problème avec ça. Il va revenir dans l'alignement comme troisième joueur de centre parce qu'on n'a pas beaucoup mieux. Tu sais, je veux dire, c'est pas avec les acquisitions que Marc Bergevin a fait qu'il va gagner dans l'Est, là. Non, écoute, Niemi, on va le faire jouer de très bientôt, mais moi, personnellement, qu'il y ait un petit repos. Puis deux, de temps à autre, se faire dire, là, le jeune, là, c'est déjà, oui, t'as bien performé, mais pas tout est acquis, là. Il faut que tu gagnes ton poste, il faut que tu travailles un peu plus fort. Puis, Marc Bergevin, là, les transactions qu'il a faites, les jeunes qu'il est allé chercher, c'est des joueurs de la Ligue nationale, avec l'expérience du vécu, les séries arrivent. Tu sais, c'est important en série de fin de saison, les mises au jeu. Donc, il y a un paquet de facteurs que eux regardent maintenant avec les statistiques avancées, qu'ils sont importantes. Et moi, je pense que, dans le cas, on fait un drame. Ben, on fait un drame, faut pas dire non. Il y a un animateur qui, lui, a décidé de dire que ça avait pas d'allure. C'est GC. Qui est à TVA, puis il y a GC qui a décidé que lui, il allait à cause de dessus pour essayer de créer de la controverse, puis il réussit à créer la controverse. Donc, moi, je trouve que, personnellement, faut pas faire un drame avec le fait. Est-ce que ça change quelque chose de gagner ou perdu, qu'il soit pas dans l'alignement ou pas? Moi, je pense pas. Ben, le calendrier, tu sais, le calendrier en Finlande, puis le calendrier, pas le même calendrier non plus, hein? Non, puis la Ligue nationale, là, OK, les patinoires sont plus petites, les contacts sont plus physiques, c'est beaucoup plus petit. Puis deux, faut admettre qu'il y a seulement 18 ans, là. Il est pas en maturité, c'est pas un gars de 25, 26, 27 ans, là. Ben non. Regarde les Adina, puis regarde, et ainsi de suite. Donc, c'est pas pareil. Là. Le calendrier les rattrape toujours. Ketchuk aussi. Les séries de fin de saison deviennent plus serrées. Les matchs sont plus corsés. Ça joue plus serré. Ces jeunes-là, actuellement, n'ont pas connu ça encore au niveau du junior ou bien en Europe. Donc, il faut qu'ils apprennent à connaître ça. Et souvent, ils sont un peu dérangés par ce système de jeu des séries, parce qu'il est totalement différent et beaucoup plus physique également. On le sait très, très bien. Ben, merci beaucoup, Phil. On s'en parle vendredi prochain. Merci.